je m'organise devant la CAA. Ici, Kelly est enseignante. C'est pas grave. Je m'organise devant la CAA. Ici, Kelly est enseignante. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Quoi? Quoi? Quoi? Oh! Oh! Ça peut pas faire, hein? Ouais, vas-y! Oh! Oh! Les combats devraient être gratuits à l'école de France. Les combats devraient être gratuits à l'école de France. Les combats devraient être gratuits à l'école de France. Toi, ah, attends, c'est quand la dernière fois que tu as acheté un kit? Ah, merci. Tu n'as jamais acheté de kit? Ouais. Non. Est-ce que tu voudrais en acheter un? Ouais, mais non. C'est le désir de la caisse. Igloo, igloo.